Alors, le jeu aussi, il est là, ça marche. Alors, tu vois, quand tu fais oui. ça... D'accord. Et le bruit et ça, de ça, et le bruit de ça. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Donc, je vais soit mettre un tissu, ou en tout cas, pas le... Pas... Tu peux mettre ça dans un verre. C'est un thé chaud, c'est quelque chose? Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau? Dans un verre, mais ça va être pareil. Oui, ou bien non, mais c'est... je mets un plateau et je le pose partout. Non, écoute. C'est... Bon, de toute façon, je peux aussi ne pas boire. Oui, d'accord. Je t'alerte. Alors, comment je vois les choses? Mais on est là pour en parler un petit peu avant. D'accord. Hein. Merci de ton bon questionnaire. Hein. Et qui n'est qu'une piste. Hein. Oui, c'est une piste, mais bon, comment je vois les choses? Je les vois en deux temps, moi. D'une part, toutes tes questions. Et ça va être toi qui t'exprimes, etc., très librement dans ce que tu as à dire, puisque c'est toi qui poses déjà les questions. Et puis, on va voir un petit peu au niveau timing où on en est. Et en fonction du timing, j'arrête, fais une petite pause, et puis on reprend pour la partie plus spiritualité ou autre chose. D'accord. Alors, mais si tu allais vite, on attaquerait le sujet... spirituel dans voilà. D'accord. Donc on est très ouvert, hein, le poteau. Ça te va? Oui, et évidemment, si entre deux questions que je t'ai proposées, tu as envie d'en glisser d'autres, vraiment. T'inquiète pas, ça viendra. J'aime bien l'idée de me faire surprise, d'ailleurs, oui. de me faire surprendre. Oui, d'ailleurs, c'est ce que tu m'as écrit. Oui, c'est vrai. C'est ce que tu m'as écrit. D'ailleurs, j'ai oublié les questions que je t'ai posées, que je t'ai proposées. Bah alors, c'est très simple, je vais te les rappeler, ça va être la première, j'ai une petite idée, les autres. Je vais te les rappeler, ça va être parfait. Voilà. Alors, donc il y a vraiment l'idée de... Est-ce que ça serait plus juste de mettre carrément un espèce de tissu un peu épais pour éviter les... Non, ça ne fera rien. Ça va pas faire. Si tu veux, il enregistre tout. Il marche très bien, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça. Donc... C'est le revers de la médaille. C'est ça. D'accord. Bien. Okay. Alors, on va commencer. T'es prêt? Hein? Bon. Bonjour, ici Claude Black Belair. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai. Marion Le Pennec me reçoit chez elle, sur les berges de la rivière Doray, dans le Morbihan. Et d'ailleurs, nous sommes ici sur les berges installées et cet enregistrement aura lieu en live. Et de ce fait, eh bien, ne nous laissons pas surprendre par les bruits parasites. Tout à fait. Bonjour Marion. Bonjour Claude. Marion, tu es une artiste peintre et j'aimerais que tu me parles de ton parcours et de ta formation artistique. Alors, je ne sais pas si je dois commencer à la date de ma naissance ou si quand même je... Non, ce que je veux dire par là, c'est que sans doute que le métier de peintre est en lien avec tout le vécu depuis le début de la naissance. Et en même temps, je vais commencer au moment où j'ai fait cette première école de préparation, l'atelier May de Penningen à Paris. Après, j'ai donc fait deux années de fac d'art plastique. Et puis ensuite, je suis rentrée... Toujours à Paris? Non, à Rennes, puisque c'est là que j'ai grandi. D'accord. Voilà, je suis bretonne. Et donc, ensuite, je suis retournée à Paris, à rue d'Ulm, à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Et j'y ai fait ces quatre années, à l'époque, c'était quatre années d'études. Et je suis sortie diplômée en dessin textile. Voilà, donc c'était une qualification, je dirais, une expérience... artistique qui me sciait complètement à l'époque au sens où j'étais très très attirée par le textile et je suis sortie de l'école en ayant pourtant conscience que j'avais pas beaucoup de goût à l'idée de travailler ni dans la mode ni dans l'industrie et j'ai eu une grande chance vraiment il m'a été proposé de faire un stage dans un premier temps à l'Opéra de Paris et donc j'ai à quel opéra? Garnier ou... Alors en fait, c'était donc à l'atelier d'éco-costumes.

est beaucoup plus en lien avec les énergies cosmiques, de l'esprit et voilà, et de la verticalité vers le haut, je dirais. Et donc, ça, c'est une réponse partielle. Je crois que y a encore pas mal de mystères. Pour l'instant, ce sont deux champs qui se rencontrent dans la mesure où, quand je dis que je travaille avec des empreintes, je les retravaille, ces empreintes, et elles sont fortement teintées, comme tu as pu le voir, de tout ce que je fais à côté. En fait, il y a la nature, en fait, les empreintes deviennent une base. Parce qu'en fait, oui, j'ai oublié de dire une chose qui m'est importante, donc je vais la nommer maintenant, c'est que quand je fais ces expériences sous forme de rituel dans la nature, je fais l'empreinte aussi avec la conscience ou la croyance que l'énergie que j'ai convoquée à ce moment-là va être présente dans l'œuvre. C'est-à-dire que c'est une empreinte avec une forme, certes, mais c'est surtout une empreinte vibratoire que j'ai envie de déposer sur le papier à ce moment-là. Tu es en position d'intercesseur, en fin de compte. Oui, bah, je pense que les artistes sont à cet endroit-là, tout D'accord. à fait. Voilà. Okay. Ouais. Parfait. Voilà. Que ce soit à partir des énergies du bas ou... D'ailleurs, il n'y a pas de distinction. Et comme tout ce qui est en bas est en haut, est réciproque. Ouais. Bien. Maintenant, Marion, est-ce que, à ton sens, quels sont les rôles de la parole quels sont les rôles, pardon, j'arrive plus à relire mes notes. Quels sont les rôles et la place de l'art dans les sociétés humaines? Eh bien, pour moi, l'art a une place vraiment essentielle. Et là, je reprendrai aussi la pensée de Louis Sansa, qui dit que c'est un des piliers de l'évolution humaine, un des quatre piliers. Parmi lesquels il y a la science, la religion, voilà, j'ai plus le quatrième. Bon, voilà, j'ai plus le quatrième. Et donc, l'art est une pratique à travers laquelle l'humain fait une expérience qu'il ne peut faire que là. Voilà, et je pense que alors, en fait, je crois que l'artiste a une place vraiment particulière, qui est, tu disais, intercesseur. Voilà, c'est un terme que je pourrais utiliser, un peu à l'instar des chamans qui seraient à l'endroit de manifester dans la matière le monde invisible, et donc rendre visible l'invisible. Beaucoup d'artistes occidentaux ont nommé cette chose-là aussi. Hein. Je peux citer Picabia qui a dit « Je ne peins pas ce que voient mes yeux, je peins ce que voit mon âme ». Il y a eu aussi Paul Klee qui a dit « L'art ne rend pas l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Voilà, bon, il y en a plein d'autres. Voilà. Oui, c'est un sujet, je vois que je me sens un peu intimidée à l'idée de parler de ça, parce que c'est quelque chose de très précieux qu'on a, je pense, un peu profondément même abîmé avec le système de l'art tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été abîmé et comment ? Je pense que rien ne nous pousse et ne nous invite à se positionner à cet endroit que je viens de nommer. Certains artistes y sont, C'est un choix personnel, mais le monde de l'art, notamment le système, les institutions, voilà, porte des écritures artistiques qui, me semble-t-il, ne sont pas dans cette veine-là. Parce que c'est comme s'il était presque inconvenant de parler de spiritualité. Non, parce qu'en fait, on est à cet endroit-là, hein, dès qu'on parle de manifester le monde invisible. C'est comme si l'art se situait dans... C'est comme si on avait rabaissé l'art et comme si on l'avait déconnecté de cet espace qui... Je vois que j'arrive pas à le... Bon. Je vois que je suis très intimidée à parler de ça. C'est comme si je n'avais pas oui, le léger... Si ouais. tu veux, et puis moi-même, ça j'ai bafouillé aussi. On va se la refaire. ouais, alors, attends. Il y a plusieurs choses, là. Il est... on a commencé à... Ah oui, c'est très long, finalement. Oui, c'est très long. Et oui, on voulait une version courte, mais je suis bavarde. Hein. Oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Et puis, tu... ça vient, quoi. Et puis, tu as un petit peu de mal à accoucher, hein, à faire ta maïotique. Et ça, c'est bien parce que ça montre à la fois toute ta fragilité. Et puis, ça donne à cet entretien quelque chose que je trouve très sympa, quoi, si tu veux. On fatigue, et tu fatigues. Et c'est normal, au bout de... Ça fait trois quarts d'heure que tu parles. Ah oui, d'accord. Ouais, donc c'est beaucoup. Tiens, je bois un coup. Ouais, profite-en. Alors, moi, ce que je te propose... En tout cas, je veux te dire que j'apprécie beaucoup les interactions et, oui. et des fois, je voilà, bref. Bon, mais c'est l'objet hein, du truc, quoi. Et puis, c'est pour ça qu'on n'est ni trop éloigné, ni trop proche pour bien se voir. Alors, attends. Si tu n'es pas à l'aise dans le rôle et la place de l'art dans les sociétés humaines, Oui, c'est qu'en fait, la question, je crois que je te l'ai mal proposée. C'est toi qui l'as proposée. Je sais. Hein. Et d'ailleurs, elle me gêne depuis le départ, cette question. Et c'est pour ça que j'ai bafouillé, si tu veux. Non, mais c'est je ça, te promets. C'est parce que je l'ai relu plusieurs fois. Et puis, on parle dans un j'arrivais théorique. Pas à faire les accords. Non, mais j'avais déjà un problème de, de phrasologie. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, est-ce que je te propose... On va arrêter au cœur sauvage, là. Mmh. On fait une petite pause, là, maintenant. Mmh. Et on va terminer cette première partie. Parce que moi, plus tu me parles, et plus j'en vois d'autres des parties. Il y a des choses intéressantes. Ouais. Bon, toute la partie spirituelle, comme je te l'avais proposé, on la fera dans un deuxième temps. Quoi. Ouais, mais je vois que... hein, peut-être pas c'est aujourd'hui. Pas facile pour moi d'aborder cette question-là, en fait. Donc je vois que c'est pour ça que je commence à bafouiller. Oui. Et aussi parce que j'ai posé une question qui m'amènerait à répondre un peu de façon mentale. Et en fait, je n'ai pas envie d'aller à cet endroit-là. J'ai envie de me... Tu vois, les réponses que je te faisais ne me convenaient pas, en fait. D'accord. Donc c'est pour ça que je ne trouvais pas la voie. D'accord. Bon, mais voilà. Par contre, répondre à la question « qu'est-ce qu'être artiste aujourd'hui ?» pourrait nous permettre d'avoir une jolie chute vers et arrêter quoi, en 10 ouais. minutes. D'accord. Hein, tu es plus à l'aise avec ça ? Oui. Hein, ouais. Je vais me centrer un petit peu et puis voir un petit peu. Parce qu'en fait, je me souviens qu'il y a des questions que j'ai un peu maturées dans ma tête. D'accord. Et il y avait certains points que j'avais vraiment envie de dire, notamment en matière de... Et je me suis dit, non, mais c'est pas la peine que je les écrise, parce que je connais tout ça. Et là, c'est comme si... voilà, ça se cache. Donc, attends, je... J'ai envie de reconnecter avec ce, ce... Il y a quelque chose que j'avais vraiment envie de... et que je n'ai pas encore nommé, auquel j'avais envie d'aboutir. Et... Ah oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est la question de qu'est-ce qu'être artiste aujourd'hui. Ça te va ? Ouais. Bon, alors... Et en même temps, ça touche un peu à la question d'avant, donc je vais voir si je bafouille ou si j'ai, j'ai non, de mais, la clarté là-dessus. Non, mais laisse de côté la question d'avant, parce que moi, ce que je te propose, en fin de compte, parce que on n'en est qu'aux prémices de notre affaire, là. Hein. Ouais. Plus tu avances, plus je me dis, attends, il y a un boulot fou. Ah oui, formidable c'est chouette. Affaire. Ouais, ouais, ouais, formidable. Mais donc... on va laisser un petit peu le monde de l'esprit de côté, si tu veux, de façon à toi, déjà, de mieux maturer ta démarche et puis de te sentir à l'aise avec ça, parce que c'est pas des thèmes que l'on aborde facilement. Quoique l'autre soir, à dîner, tu t'es lâché. Et c'était bien. Voilà. Ouais. Bon, mais dès qu'il y a un micro, ça se complique un petit peu. Ouais. Hein. Et donc, alors comment je vais faire mon truc, moi ? Eh ben, on va faire comme si de rien n'était, parce que là, j'ai arrêté. Pardonne-moi, parce que je suis sur des trucs un peu... C'est une machine un peu nouvelle pour moi, ça. D'accord, bon. Je t'en prie. Celle-là, elle va bien, elle continue d'enregistrer, d'accord. Elle tourne toujours. Voilà, hein. Bon. Celle-là, elle est plus technique, et il faut que je reprenne l'entretien, mais... On va faire un deuxième enregistrement. D'accord. Hein, et je vais le commencer du genre Marion. Qu'est-ce qu'être artiste ? Putain, faut que j'y arrive moi aussi, parce que si je me mets à bafouiller. Qu'est-ce qu'être artiste aujourd'hui ? C'est moi qui t'ai proposé cette question ? Ouais. Ah oui, d'accord. Tu vois. Ouais. T'en as pas, tu voudrais la formuler autrement ? Parce qu'en fait, c'est pour ça que... Non, ça me va bien. Non, c'est bien. Attends, il faut que les choses soient claires, si tu veux. Ouais. Qu'est-ce qu'être une artiste ? Voilà. Il faut que les choses soient claires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'autre qui t'écoute. Quoi. Et il ne faut pas le perdre en route. Non, c'est ça. Je ne sais pas si des fois, certain. Mais tu te réécouteras. Ouais. Tu verras. On verra, hein. Bon, peut-être que ce sera puis pas c'est un premier jus, quoi. Oui, c'est et puis, ça. On verra. Allez, ouais, on va... Alors, attends. Ça marche ? Ouais, ça marche. Marion, une dernière question. Qu'est-ce qu'être une artiste aujourd'hui ? Bon, évidemment, je peux parler qu'à partir de mon expérience. Qu'est-ce que c'est pour moi ? Qu'est-ce que c'est pour moi qu'être une artiste aujourd'hui ? Alors déjà, c'est une grande joie. Et c'est aussi... je dirais presque... que ça implique certaines obligations. C'est peut-être pas vraiment à cet endroit-là. Mais disons que... J'ai la croyance, comme tu disais, que l'artiste est un intercesseur entre le monde visible et invisible et qu'il vient manifester dans la matière l'esprit, le monde invisible. Et donc, ça demande, ça implique une certaine exigence. Et donc, je crois que être artiste, c'est montrer des choses qui ne sont pas encore. Et ça ne veut pas dire des formes nouvelles, mais quelles que soient les formes, c'est déposer les vibrations